Besoin d'un changement de look? Visitez LOCAM, vos opticiennes aux portes de l'université. Choisissez vos montures parmi une variété de marques exclusives, tout en profitant d'un accueil chaleureux et d'un service personnalisé. Étudiants, profitez de votre assurance vision avec l'Alliance pour la santé étudiante au Québec. Pratique et accessible, LOCAM est situé sur le campus de l'UQAM, à l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Passez rencontrer nos spécialistes. Hey, je me suis trompé de pub, il va falloir en mettre une autre, ils ont changé la feuille puis tout. Mais on est à 70%. On va la mettre, on la part. Quelle aventure, c'est fou. Ah, c'est plus Peter McLeod. Bonjour, ici André et Richard de Plus Kid sur la meilleure radio internet Choc FM. Hey, salut, c'est Peter McLeod. Hey, si vous n'avez pas encore goûté au sandwich de chez Dagwood, qu'est-ce que vous faites? Chez Dagwood, là, hey, ils font des sandwichs devant toi, puis là, ils mettent de la dinde, du jambon, du salami, comme tu veux. Hey, ils ne pognent pas ça dans des petits cassots tout secs, ils arquent. Non, non, non, non. Ils tranchent la viande fraîche devant toi, puis là, ils te mettent la sauce Dagwood dessus. Dagwood, essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la place, c'est l'ambiance, c'est le wow. Il est la saveur Dagwood. Maintenant à Saint-Eustache et à la Chine sur Notre-Dame, angle 10e avenue. L'équipe du Second Cup du 4287 Saint-Denis vous invite à tous les jeudis à partir de 20h pour ses soirées jazzy mettant en vedette Chloé. Elle saura vous charmer avec ses chansons R&B, jazz et lounge. De plus, profitez de l'offre spéciale qui vous est offerte, 2 pour 1 sur tous les breuvages en tout temps, sur présentation bien sûr de votre carte étudiante de l'UQAM, exclusivement au Second Cup du 4287 Saint-Denis. Finalement, on y est rendu, là. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Last time you took the Whispers record, whatever happened to that? Oh, so cool. Getting spent right now. I love the Whispers. I grew up voyons, on them. You know how it is. You grew up on it. You ain't seen it in a long time. Voyons, il y a comme du volume qui sort de quelque chose dont on ne sait pas où. Est-ce que vous êtes là, les amis? Oui, on est tous là, yeah! C'était peut-être déjà les esprits qui se manifestaient, parce que ce soir, hey, zombies. On, à la demande express de zombies, en fait, ce soir, à 70%, on a décidé d'amener une plaque de Magic. Une plaque de Magic. Et oui, on n'a pas peur ici. Trame sonore de Wagner en background pour faire concept. Fait qu'on va jouer à Ouija. Ben oui, on va essayer de repousser les limites que même Georges Rooney. C'est quoi? C'est un gars qui faisait de la radio AM le 25 juillet 2007. Ça fait vraiment longtemps. Lui, il s'occupait d'une émission paranormale aux États-Unis. Puis là, je viens de l'apprendre. Là, on n'a pas fait ça en réaction à quelqu'un qui a été plus wuss que nous autres. Là. C'est juste que lui, il a cancellé son émission de radio qui était pour jouer à Magic. Parce qu'il a eu peur. Ouais, à Ouija, pas à Magic. D'ailleurs, il y a quand même... Ouais, c'est ça. on lève la main ici en studio. Il y a plein d'amis qui sont venus. Qui joue à Magic? Ah ouais. Hey, oui, on a Benoît là-bas qui joue à Magic. Ouais, Benoît Denis. Qui... Hey, ça, c'est cool, ça. En tout cas, mais c'est pas vraiment le corpus de l'émission. Non. Non, ce qui va se passer, c'est que là, je vais présenter un petit peu le film... De ce soir. Puis après, on va se concentrer sur la planche. Ouais, quoique, peut-être qu'on va commencer tout de suite en parlant, parce qu'il y a quand même différents niveaux de scepticisme ici dans le studio face à Ouija, qui est quand même une activité que tout le monde connaît, mais que peu de gens parlent. Il y a Zombie, qui est totalement du côté pour. Lui, il croit que ça marche. Pas vrai, Zombie? Et voilà, lui est indérogeable là-dessus. Benoît, toi, tu penches de quel côté? Ah, moi, je pense que ça marche parce que quand j'étais au primaire, il y a une fille qu'elle a fallu qu'elle change de ville parce qu'elle jouait trop, sa maison était hantée. Ah ouais? Ouais. Oh, pis c'est quelle ville, ça? East Angus. En Estrie. En Estrie, voilà, les gens d'Estrie. On parle pas. Et pendant ce temps-là, on a bien sûr... La charmante voilà. Non, mais on était content. Oui, Élise. Salut. Toi, salut. Élise, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu crois à la chose? Est-ce que tu as un background là-dedans? Ouais, non, pas vraiment. En fait, j'ai déjà fait le Ouija, mais ça a marché. Mais okay. Après, ça reste en suspens. Mais j'ai pas d'avis dessus. Voilà, voilà. Ouais. Donc, une page à écrire encore. Israël qui s'en fout pas mal. Fout pas mal. Et puis, il y a Marc qui joue son rôle de gars assis à la chaise. Il est bon. OK, puis, tu penses-tu que ça se fait, toi, Marc? Ben, j'aime mieux pas dire trop de commentaires parce que tout ce que je dis peut être retenu par l'esprit contre moi. Et voilà. Oh, il pense à son après-vie, lui. Oui. Aussi. Donc, là, ben, pour commencer, on va aller écouter une toune. Ça s'appelle It's Halloween de The Shags. The Shags qui sont un groupe. The Shags! Oui. Moi, j'aime ça en crise, The Shags. Dit-il, The Shags. Frank Zappa, il trouve que c'est le troisième meilleur album au monde, man. Le savais-tu, ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une madame qui a été illuminée à un moment donné puis qui a reçu un message de Dieu qui lui disait que ses trois filles devait devenir un groupe. Donc, elle a pris les économies de la famille puis est allée voir un producteur. Elle a dit au producteur, fais un album avec mes trois filles. Et on va écouter It's Halloween. C'est tellement thématique. On va revenir après avec des extraits de Demon House. Moi, je vais fermer mon micro ici. Vous autres réchauffez, là. Hein? Oui. Faut appeler les esprits à 70%. Ouais. All right. C'est une émission originale. On est tellement plus courageux que l'espèce de tantouse à George Rooney. Nourri. Parce qu'il connaît rien. The Shags. Yeah. Why even Dracula will be there. It's time for games, it's time for fun. Not for just one, but for everyone. The jack-o'-lanterns are all lit up. All the dummies are made and stuff. By just looking you will see. It's the time of year again. It's Halloween, it's Halloween. All the kids are happy and gay. Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, moi, Israël Trudel-Denis, en tant que citoyen modèle qui s'en crisse pas mal, je vais vous parler de toute l'histoire du Ouija, du de A à Z. Excusez-moi. Prends ton temps. Là. Faut pas éloigner les esprits. Là, on développe pas de stress. En 1848, ça fait longtemps, là. C'est quasiment plus. 160 caca, là. Oui, c'est ça. Deux sœurs, Kate et Margaret Fox, habitent une maison dite hantée. Pour communiquer avec un des fantômes, la jolie jeune fille lui pose des questions. Elle lui dit cogne une fois pour oui, puis deux fois pour non, puis elle entre en contact avec l'esprit, puis l'esprit est gentil, puis c'est ça. Ils finissent par trouver des ossements dans la cave et l'esprit est libéré, c'est ça. Oh, fait que là, avec le temps, ils sont amanchés comme une genre de table. avec une patte plus courte que les autres, puis c'est ça, il appelait les esprits de même, puis quand l'esprit voulait dire oui, il tapait deux fois la table de la table. Ah, oh, oui, ça, ça vient de là, ça les vient... tables qui frappent, OK. Oui, puis ensuite, c'est tellement sujet à taper une table avec une patte un peu plus courte que les autres. Arrive, oui, très... Alors, c'est comme ça qu'est né le Ouija. Un peu plus tard, on a inventé des tables en 1850 faites avec les lettres là, pour pouvoir avoir lire l'alphabet. Je sais pas le nom. Je sais que c'est un certain William Fold qui a commercialisé le truc, qui a inventé le mot Ouija. Ouija qui veut dire oui en français et ja oui en allemand. Ouais. Parce qu'on souhaite tout le temps que l'esprit dise oui quand on l'appelle. On dit ya. Fait que c'est un ouïa. Ça se rapporte avec Agnès Jaoui, tu sais, elle est française, puis en France, ils parlent le verlan, fait que ça pourrait être... Ta gueule! Non, mais ça se peut, non, mais c'était semi-pertinent, là. Mais je pense pas que ça a l'air rapport, parce qu'elle est pas plus vieille que 160 ans, certains. Oui. OK, fait qu'il y a eu une explosion du produit, là, pendant les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, parce que les mères et les jolies jeunes filles voulaient toutes parler à leur papa défunt. Puis là, tout le monde achetait des planches de Ouija pour pouvoir leur parler. Yes, sans oublier que, je veux pas, la première guerre, ça a tué quand même pas mal de monde, hein, 14-18. Oui. Puis là, ben, en plus, il y a eu une espèce de grippe espagnole qui a tué un autre cinquantaine de millions de personnes dans les mêmes années. Oui. Fait que ça devait être off. Le monde, c'est ça, les fiancés voulaient parler avec le petit copain puis avec le mari décédé. Là. J'ai deux, trois potins de Ouija. Fait que... Il y a, oui, Brendan Flowers, le chanteur des Killers, a peur de sa date de fête depuis une séance de Ouija. Oh. Ah, la chienne! La vraie chienne. À un moment donné, il a fallu qu'il prenne l'avion, puis il a eu la chienne de sa vie, là, il voulait pas mourir. Ensuite, on a Bill Wilson, le cofondateur des Alcooliques Anonymes, qui a découvert la méthode en 12 étapes dedans son Ouija. Oui. Ensuite, il y a le groupe Cheap Trick qui ont demandé à Ouija alors, qu'est-ce qui est là pour souper? Puis la planche de Ouija de répondre, Cheap Trick. Puis c'est là qu'ils ont trouvé leur nom de Ben. C'est drôle. Là. C'est pas fou. Il y a Alice Cooper qui a demandé il était la réincarnation de qui à Ouija? Ben, parce qu'Alice Cooper, c'est pas son vrai nom. Puis en fait, il est la réincarnation d'Alice Cooper qui était une sorcière il y a une couple de siècles. Il niaise pas avec ça. Alors, il y a des précautions à prendre avant de jouer à Ouija, parce que c'est très épeurant. Fait que là, faut jamais laisser, jamais laisser l'esprit compter les chiffres ou les lettres à l'envers jusqu'au début, parce qu'il va sortir de la planche. Fait qu'on fait attention. Le Ouija rend dépendant, on dit que c'est les esprits qui jouent dans ta tête, mais moi, je suis sûr de savoir pourquoi. C'est juste parce que t'as la chienne, puis t'as une dose d'endorphine après, puis on sait que l'endorphine, ça crée la dépendance. Oui, c'est ça. Puis ensuite, ça, c'est ma citation préférée. Quand tu brûles une planche de Ouija, elle va crier. Si tu entends son cri, tu vas mourir dans les 36 prochaines heures. Attention. Mais la seule bonne... On a des remèdes ici à 70%. La seule vraie bonne manière de se débarrasser d'une planche de Ouija, c'est de la casser en 7 morceaux, répandre de l'eau bénite dessus et l'enterrer. J'ai une petite question, là, peut-être. Oui. Si, mettons, par erreur, je la casse en 8 morceaux, est-ce que je suis mieux d'essayer de scotch-taper 2 morceaux? Excellente question, oui. Ensuite... Non, mais moi, sinon, je suis au courant aussi qu'il y a un animateur de radio qui fait de la radio au travers des États-Unis sur le show Coast to Coast AM qui s'appelle Georges Nourry, qui le 25 juillet passé 2007 a eu peur de jouer en onde avec le docteur Bruce Goldberg, Rosemary ouais, ben, Ellen Guiley. Ça tout à l'heure. Oui, mais c'est génial. Oui. Ça veut dire que ça prouve que... Parce que là, ça vient de Wikipédia. Si dans Wikipédia, la seule fois qu'ils parlent de monde qui ont joué à Ouija à radio, c'est quand quelqu'un a eu peur de jouer à radio à Ouija, puis que nous, ici, à 70%, on est en train de le faire quelques mois plus tard, on peut prétendre être le premier show de radio de l'histoire de l'humanité à jouer à Ouija. Là, encore une grande première. On est vraiment, vraiment fort. Hein? Oui. Sinon, peut-être nommer Aleister Crowley, qui est un petit peu le pape du satanisme moderne. Lui, il a beaucoup, beaucoup aidé à... Ou en tout cas, il a beaucoup aimé la dite planche et le dit Ouija. Là. Il a fait pas mal sa personnalité là-dessus. Il est Fiery Furnace, qui est un nouveau groupe qui a utilisé une planche de Ouija pour faire plusieurs des paroles de leur album qui s'appelle Widow City. C'est des affaires assez drôles. Oui. En tout cas, sinon... Il y a trois choses que tu peux jamais demander à Ouija. Ah oui, c'est bon ça. Ça, c'est bon, hein? Ne pose jamais des questions sur Dieu. Puis, faut jamais demander quand on va mourir. C'est un stress inutile. Puis, il ne faut jamais demander où est caché un trésor. Je sais pas pourquoi. Ils ont pas ça, je te l'ai dit tantôt, c'est pourquoi. Parce que ça pourrait changer ta vie. Il n'est pas question que la planche change ta vie, même. Non. Les décisions sont ne à toi. Ne laisse pas la planche te dominer. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer vos micros. Vous allez avoir la paix, vous allez être tranquille. Peut-être, Marc, tu peux fermer la porte même. Puis venir te joindre à nous. Ouais, c'est ça, tu peux rester là. Moi, pendant ce temps-là, je vais parler du douteux de la semaine. Non, mais je vais aller vous rejoindre. Le Benoît, il va sûrement venir prendre ma place. Faut réchauffer la planche. C'est ça. Faut juste que ça commence. Oui. C'est mieux d'avoir une dame. C'est pour ça qu'Élise est là. Hein? Continue à faire des sourires, ça va attirer les esprits. Donc, OK, je ferme vos micros, les amis, puis je vais vous rejoindre dans pas longtemps. Je parle du film de la journée. On est en train de jouer à Ouija pour votre bonheur, les auditeurs de 70%. Donc, cette semaine, le douteux s'appelle... Attention, là, je suis en train de fouiller mes petits textes. S'appelle Demon House of Demon Night of the... Puis là, ben, replacez les mots dans l'ordre si ça vous tente. C'est un film USA Canada. Moi, je l'ai appelé Horreur branchée, exactement comme d'habitude. Vous en connaissez, vous, comment, des films douteux qui ont été filmés à Beauharnois, dans le sud-ouest de notre belle province? Moi, j'en connais un seul. Demon House of the Demon of the Night 3. Replacez les mots dans l'ordre, encore une fois, si ça vous chante. C'est comme tous les autres films, comme celui-là. C'est-à-dire que le démon adopte l'apparence d'une jeune fille et tout le monde de normalement constitué, dans les mêmes circonstances, serait depuis longtemps parti s'acheter un cheeseburger loin ailleurs. Les ados branchés meurent dans l'ordre qu'on a deviné en les voyant arriver pour la première fois à l'écran et les effets spéciaux sont très, très, très, très, très spéciaux. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la première séquence. C'est là qu'on va développer le prologue. Vous allez voir le policier dans la maison hantée, là, puis des affaires super épeurantes. On est concept à 70% aujourd'hui, en tout cas. Bonsoir, monsieur l'agent. Oh, vous m'avez surpris. Vous faites quoi ici? Je m'apprête à fêter Halloween. Vous voulez dire que vous vivez ici? Pourquoi pas? Cette maison est fermée. Vous ne pouvez pas rester ici. Oh, pourquoi? Bien, à cause du massacre. Massacre? Il y a quelques années, pendant la nuit d'Halloween, un groupe d'étudiants venus faire la fête s'est fait massacrer. Ici? Oh mon Dieu, c'est affreux! Oui, madame. Maintenant, vous devez quitter les lieux. Ah oui? Oui, vous voyez, c'est un signe. Eh bien, il représente la loi. Vous devez obéir. Je l'ai maintenant. À mon tour de rendre justice. Devinez ce qui vient d'arriver aux policiers. Devinez ce qui vient d'arriver. En fait, c'est ça, c'est que Angela possède une maison. Angela, qui est un démon tout puissant, qui est puissant et très puissant, tout en étant puissant d'être puissant. Et puis, ben là, il reste dans la maison pour essayer de tuer tout le monde. Là. Puis là, ben, il y a des ados branchés qui se relaient pour aller se faire tuer un après l'autre. On va aller un petit peu plus loin dans le film. Là. J'ai un 2-3 minutes. C'est un meilleur hamburger. Il arrive des affaires. Vous allez voir, c'est comme la justification là, du garochage à rabais d'informations. Vraiment du pushing, un petit peu insultant. Juste assez douteux. Pendant que de l'autre côté, on essaie de se concentrer pour faire venir l'esprit. Ce serait pas pire, hein? On pourrait parler à John Cordick. Parce que j'ai amené quand même son linge aussi. Hein? Son propre gilet de... Oh, ça brasse. Donc on retourne écouter des séquences. Vous allez apprendre de l'information sur la méchante maison. Je t'en prie, n'y allons pas, j'ai un mauvais pressentiment. T'as d'autres conneries comme celle-là? C'est pas des conneries, c'est vrai. Si nous traversons le ruisseau souterrain, nous sommes foutus. C'est dans la légende. De quel ruisseau souterrain tu parles? Ce mur a été bâti en plein dessus. Pourquoi? Parce que les démons ne peuvent pas traverser quand il y a de l'eau qui coule. Ah oui? Bouh, ça va peut-être marcher aussi pour les flics. Non, Fitz! Thank you. Ils viennent d'entrer sur le territoire de la maison. L'auto s'avance dans la nuit brumeuse. Ils vont débarquer du van. Ça va, Nick. À l'intérieur. Je compte pas laisser Reggie tout seul ici. Très bien, emmène-le alors. On ne peut pas le déplacer. Si tu sors pas de ce van tout de suite, je connais un autre fantôme qui va hanter ce coin, ok? On sait ce qu'il bosse du groupe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tirer? Sur moi? Si tu m'y obliges... Allez, vas-y. Quoi? Tu veux jouer les durs? Appuie sur la gâchette. Fais-moi sauter la cervelle. C'est la seule façon de me faire sortir de ce van, espèce de petit enculé. Ok, il y en a un autre qui veut jouer au héros? Pas hanté. Quoi? Cet endroit n'est pas hanté. Selon la légende, il n'est pas hanté. Il est possédé. C'est une porte vers l'enfer. Oh! Et cette nuit, on va faire s'ouvrir la porte, c'est ça? Ha! Venez. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive, là? Les adolescents rentrent dans la porte. Je croyais que cette maison. Ils rentrent dans la maison hantée, qui est dans le fond pas inhabitée parce qu'il y a un démon, les murs saignent, il arrive plein d'affaires. On dirait que quelqu'un habite ici. Dans l'ordre que vous pensez, le toff va mourir, il va avoir trop de boules, pas assez de prétextes. On va aller écouter un petit quelque chose, là. Je vais voir comment ça se passe de l'autre bord. Là. Ça a l'air assez tranquille. Mon espion à l'intérieur fait des sourires et me dit que ce que je suis en train de dire est pas mal plus intéressant que ce que lui est en train de regarder. Est-ce qu'on va aller écouter une petite capsule, une publicité, là? Parce que c'est hot, la publicité, hein? Imaginez sans ça comment ça serait le monde. Vous étiez au courant que nous vivions dans un monde de surconsommation qui incite au gaspillage, et qui dit gaspillage, dit déchets qui s'accumulent. C'est pour vous aider à mettre de l'or dans vos priorités que Johnson & Johnson, une entreprise qui partage ses profits en famille, vous présente le nouveau Super Swiffer Wet Mighty Jet. Terminez la difficile tâche de balayer avec un porte-poussière ou de Swifferiser pour ensuite avoir à retourner le balai et décrocher le tissu jetable. Avec le nouveau Swiffer Wet Mighty Jet, vous n'avez qu'à jeter le balai en entier après utilisation, rendant la corvée de balayage encore plus rapide et polluante qu'avant. Parce que chez Johnson & Johnson, on comprend que s'occuper de l'environnement, ce sont des mots plus qu'un consensus social. Le nouveau Sweat Mighty Jet, vendu en paquet pratique de 12. Peut-être ici pour meubler le temps, je vais lire les règles parce qu'on a eu les instructions avec le jeu de Ouija que j'ai acheté au Valet de cœur pour 13$. Et puis ben, je vais lire les instructions pendant qu'eux autres sont en train d'essayer de les appliquer, disons. Le Ouija est sans contexte l'un des produits les plus intéressants, les plus exceptionnels et les plus mystérieux de ce siècle. Toutoum. Ces opérations sont toujours intéressantes et fréquemment inestimables. Répondant souvent à des questions sur le passé, le présent et l'avenir avec une précision remarquable. Systématiquement divertissant, il y a pas mal d'adverbes, hein? Ces mouvements mystérieux constituent, pour les scientifiques et les méditatifs, une invitation à des recherches et à des investigations approfondies qui, virgule, apparemment, virgule, forment le lien entre le contenu et le connu et l'inconnu, le matériel et le spirituel, car il y a des choses au ciel et sur terre que nous ne pouvons même pas concevoir. Ce sont les instructions du jeu. Donc, le jeu. 1. Placez la planche entre deux personnes, sur leurs genoux ou sur une surface dure. Déposez l'indicateur sur la planche et placez vos doigts légèrement, mais fermement, sans appuyer sur l'indicateur, ne pas vous écouter pour lui permettre de se déplacer facilement et librement. Encore les adverbes. L'indicateur devrait commencer à bouger après 1 à 5 minutes. tout d'abord lentement, puis plus vite. Il devrait pouvoir répondre à vos questions. Pour ce faire, il touche avec la pointe ou le bout les mots ou les lettres imprimées nécessaires pour former les mots ou les phrases. Lorsque l'indicateur commence à bouger, commencez à poser les questions. Ça, c'était numéro 2. Numéro 3. Une seule personne à la fois devrait poser des questions pour éviter toute confusion. Les questions doivent être formulées simplement et avec précision. Numéro 4. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important que les personnes présentes se concentrent sur la question posée et évitent d'autres sujets. 5. Le Ouija est un grand mystère. Nous ne prétendons pas que nos instructions de fonctionnement sont exactes en tout point, ni que vous obtiendrez des résultats dans tous les cas. Comme nous ici à la radio, ça va pas super fort. Cependant, plusieurs personnes ont affirmé qu'en faisant preuve d'un peu de patience, leurs espérances avaient été plus que satisfaites et qu'elles s'étaient bien amusées. 6. Gardez la planche lisse et exempte de poussière ou d'humidité, car tout dépend de la facilité avec laquelle la base de l'indicateur peut glisser sur la surface de la planche. Nous recommandons de frotter la planche avec un mouchoir de soie sec juste avant le jeu. Peut-être c'est ça qu'on n'a pas fait, hein? On n'avait pas de soie sec pendant tout. Marqué déçu. Important, collez les languettes de feutre sous les pattes de la table du pointeur. Gardez le jeu dans un endroit frais et sec. Ça, je vous jure, ça a tout été fait à date. On l'a très, très respecté. La sanctifié. Non, le... En tout cas, ça pourrait être drôle. Sinon, Ouija. Des exemples de questions ici nous suggèrent. Ouija, êtes-vous prêt à répondre à nos questions? C'est pour ça qu'on aimerait ceux qui répondent oui, là. Y a-t-il un homme célibataire parmi nous? Est-il en amour? Et plus le nom de sa bien-aimée. L'aime-t-il beaucoup? Ouais, je sais pas pourquoi l'esprit est au courant de ça. Seront-ils heureux? Dans combien de mois ou d'années se marieront-ils? Embrassent-ils parfois d'autres femmes? Qui sera le prochain premier ministre? Oh, tiens, une question, ça. Pleuvra-t-il demain? Quel âge a Mademoiselle une telle? Sur quelle rue demeure-t-elle? À quel numéro? Par quel homme désire-t-elle être accompagnée à la maison? Est-elle flirteuse? Qu'est-ce que veut dire flirteuse? Non, ça c'est ma question. Combien de fois a-t-elle été amoureuse? Quand les affaires s'amélioreront-elles? Serait-il sage d'investir dans une telle propriété ou dans de telles obligations ou valeurs? Investir selon la technique Ouija. Moi je dis qu'on devrait aller Ouija premier ministre. Donc si Ouija refuse de répondre à une question quelconque, ou si vous obtenez une réponse inexacte, n'oubliez pas que Ouija a un petit côté humoristique. C'était la fin des instructions du Ouija qu'on est en train de jouer ici à 70%. Pour tuer le temps, on va aller écouter, la tonne... Ah non, ça va être Tragically Hip, The Darkest One, parce que c'est bon des oreilles. On vous revient à 70%, on va voir comment ça évolue. What you mean, you know me, what you say, or you do. and wicked prairie winds come in. It's warm and it's safe here and almost hard. Cinéphiles reconnaîtront la trame sonore de Friday the 13th, le premier. Un des bons potes à zombies. Là. D'ailleurs, présentement, pour le Festival Mascarade, on peut aller rencontrer l'acteur qui jouait le rôle de Jason dans tous les films au Vieux-Port. Là. Faudrait voir le petit pamphlet. Là. C'est juste que c'était pour zombies. Là. Je m'en mets. Je vais être bien content. Sinon, de l'autre côté, ça brasse pas beaucoup. Ça rit un petit peu. Même zombie qui est en train de développer son scepticisme. Parlant de sceptique, je vais parler un petit peu de Harry Houdini, qui a été voté jadis par l'Association des sceptiques de France. Je suis plus sûr. Là, je l'ai lu cet après-midi, en tout cas. C'est un des plus grands sceptiques du siècle d'avant. On n'a pas besoin d'être une association pour le réaliser. Harry Houdini, qui avait comme ami Arthur Conan Doyle, et puis le dernier monsieur, vous le connaissez, c'était l'écrivain qui a, en fait, qui a créé, qui a écrit les aventures de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, le héros qui est tellement rationnel, tellement terre à terre. Et puis Harry Houdini, lui, de son côté, c'était un des grands magiciens prestidigitateurs illusionnistes. Mais il y a un grand côté, comment dire, pratique. Parce que ce fut sans doute le plus grand démasqueur de médium de toute notre belle histoire, ou en tout cas du siècle passé, ça c'est sûr. Le monsieur Arthur Conan Doyle, lui, depuis les années 1918, justement, qui fait suite au boom de la guerre 14-18, et puis à la perte de sa femme, ben monsieur Conan Doyle était devenu un grand amoureux des jeux spirites comme ça. Et puis, ben, ce faisant, il invitait souvent Harry Houdini à la maison pour lui présenter différents médiums pour essayer d'en trouver un, prouver que finalement il y aurait un médium, un vrai. Harry Houdini réussissait systématiquement à toutes les démasquer. Pour ce qu'Arthur Conan Doyle, à un moment donné, il est comme devenu un petit peu choqué après son ami Harry Houdini. Et puis ça vient de là, les espèces de rumeurs qui circulent que Harry Houdini aurait été assassiné, empoisonné, par peut-être des agents de M. Conan Doyle. Ça, faut vraiment être conspiration théoriste pour y croire à celle-là. Sinon, ben, dans un autre ordre d'idée, pendant que ça se concentre trop fort, l'autre côté... Hein, ça, avez-vous vu la pub de Axe? Tu sais, là, il y a le gars, là, il est sur la plage. Là, il y a comme une espèce de tremblement de terre. Puis toutes les filles courent vers le gars sur la plage. Là, à un moment donné, tu vois de loin le gars sur la plage avec une nuée de filles qui approchent. Mais la pub, elle arrête juste avant que les filles rattrapent le gars. Moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui serait arrivé si le gars En fait, si la pub aurait continué, est-ce que les filles, attirées par l'odeur du axe, l'auraient dépecé vivant? Ou est-ce que ça serait tout mis à quatre pattes en se donnant des claques ses fesses en espérant que leur croupe serait plus attirante que celle des autres au gars qui a mis du axe? Comment ça peut bien finir, ce pub-là? À quoi ça sert, ce pub-là? En tout cas. Sinon, ben, continuons à parler de belles anecdotes. Tu sais, des fois, on écoute la télévision live, là, comme à Météo Média, et puis, ben, ils reviennent en onde avant que, ben, sans que les personnes soient au courant. Il est arrivé une belle dernièrement, ceux qui écoutent le RDS, le hockey et tout, Canadien trop fort en fin de semaine. Ben, à un moment donné, Yvon Penneau, il a dit quelque chose comme, ouais, t'aurais pas dû changer de cravate, c'est laid en tabarnak, c'est... Ouais, c'est quelque chose comme ça, hein, Marc? Mais c'est ça, Yvon, il dit un gros, c'est laid en tabarnak. Ouais, t'aurais pas dû changer de veston. Il est laid en tabarnak, celui que tu portes aujourd'hui. C'est ça, puis le micro était ouvert, mais eux autres le savaient pas. Fait que ça, ça n'est une popée. Mais moi, j'en ai une belle qui date du temps que j'étais à Rouen, à Météo Média. Tu sais, à Météo Média, c'est comme jamais les filles les plus laides qui sont là, tu sais, vu qu'il faut au moins qu'ils servent à ça, tu sais. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils sont revenus en onde, là, on voyait les deux filles, puis les deux filles parlaient, ils étaient dans une conversation assez animée, puis là, il y en a une à l'autre qui dit « J'espère, en tout cas, qu'il va me rappeler ces temps-ci, je me sens tellement seul. » Puis là, après ça, les deux, ils ont comme regardé la caméra, puis là, ils sont venus blanches. Là, celle qui a pas dit ça a fait un geste de la main qui a intimé le producteur à passer de la publicité. Des belles aventures. Bon, ben, ça a pas l'air de bouger encore de l'autre côté. L'esprit se manifeste pas. On va aller écouter le générique de Bioman, je pense, pour moitié homme et moitié... Attention, on me dit que ça bouge de l'autre côté. Pour vrai, Marc, là, ça bouge. Oh oui, ça bouge. Attention, on est spook, là. On sait pas trop. Est-ce que on a posé des questions, Marc? Marc qui est à l'intérieur, lui, de l'autre côté. Ah. Finalement, l'esprit est allé sur non. Ah, on est en train d'avoir le nom de l'esprit. Oh, sapristi! Est-ce que tu veux déplier le gilet de John Cordick? Oui, c'est ça. Montre-le à John pour que John il sache qu'on a son gilet ici en studio et puis qu'il peut venir nous rejoindre. Voilà, c'est un memento. Et voilà. On est en train de jouer à Ouija, 70%, ça bouge pour vrai, je le vois ici. Il y a des yeux qui se sont écarquillés, Benoît qui riait tantôt, qui ferme sa gueule, Zombie qui vient d'échapper son maxillaire inférieur. Ça se poursuit. Est-ce qu'on a un nom, finalement, Marc? Alex? Va, ouvre la porte, là, dis-moi ça. Si l'esprit est là, il va rester, là, il est pas rousse. Il est pas comme Georges Nourry, là, nous autres, on joue à 70%. Un I, un A, un N, un U. Yannick. Peut-être tu peux garder la porte ouverte, là. On va pouvoir poser les questions. L'esprit qui est là avec nous. Là. On n'ira pas écouter le thème de Bioman, mais c'est pour la science et ça bouge, hein, c'est précis. On dirait que c'est Israël qui s'est fait le maître des cérémonies, c'est parfait, ça. Pose les vraies questions. Nous, on avait une belle liste de questions. Mais ça bouge vraiment pour vrai, là. Ils s'en vont d'un bout à l'autre de la planche, là. Est-ce qu'on peut demander à l'esprit s'il joue à Magic? Ok. Oh, on m'a intimé de prendre ça relax. Oh oui, c'est ça, là, il y a une question à la fois. Pas tellement de choses à lui demander. Oh, Israël demande à l'esprit si Israël le dérange. Est-ce qu'on dérange l'esprit? Ça bouge, ça s'en va vers là. On s'en va vers là. Ça semble être vers zombie. Peut-être que c'est de la famille à notre ami. Mystérieux ici en studio à 70%. Oh. Donc, est-ce qu'on a une réponse? Le groupe se concerte. Moi, j'aurais aimé ça. On a Israël ici en direct. Catherine, c'est son prénom. Catherine, c'est le prénom de notre esprit. Je vais laisser ton micro ouvert, Israël. Fait que t'étais une fille. Hop, oui, on est en train de parler avec une fille. Tant mieux. Non, c'est pas une fille. C'était peut-être un russe. OK. Est-ce que tu peux lire dans l'avenir? Non, non. On lui a pas demandé des pièces. Oh, la discorde dans le groupe, là. Est-ce que tu veux bien nous jaser? Oui. Oui, Catherine veut jaser. Parlez-lui de ses cheveux. Les filles aiment qu'on lui parle de leurs cheveux. C'est pas une fille encore qu'on me dit. Je vais finir par le comprendre. T'es morte à quel âge? Pourquoi il en parle au féminin si c'est pas une fille? Mais ça bouge pour vrai, là. C'est surnaturel. Peut-être que c'est Cordic, pas Catherine. À 26 ans, t'es morte? Cordic est mort à 26 ans. Est-ce que tu... Comment t'es morte? Est-ce que tu veux bien nous raconter? Wow. Marc qui me sort des bonnes idées. Oh. Je vois mal la réponse. L-O. J. L-O-J. L-O-J-P. Loge. Ah, l'OJP. Non. Est-ce que tu as un message à nous dire? Oui, t'as-tu de quoi nous dire? C'est assez mystérieux. Non. Ah ben, on peut... Demande-lui s'il joue à Magic. Comme ça, il sera pas venu pour rien. Est-ce que tu joues à Magic? Et l'esprit répond qu'il joue à Magic. Est-ce que l'esprit joue à... On a un esprit en studio à 70% qui joue à Magic, mesdames et messieurs. J'en ai la larme à l'œil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dérange dans la salle? C'est l'esprit le plus cool de tous les temps. Non. Demande-lui si on peut parler à Laura Guéné. Goodbye. L'insulter. Pour vrai? Ben, je m'excuse, je veux pas. Je veux amener. Je sais pas. Je veux pas d'argument. Je m'excuse, esprit. Est-ce que c'est Élise et Julien qui te dérangent? Non. Alors, est-ce que c'est. Israël? Ben. Est-ce que c'est moi? Tu veux t'en aller? Ok, ben. Au revoir. En tout cas, moi j'ai eu ma réponse. Non? Non. Ah okay. Non? Ben, reste avec nous, on va continuer à jaser. Tu veux bien jaser? Ah, ça y est. Regarde. Ça paraît que c'est une fille. Il est comme entre les deux, il est pas sûr, là. Notre esprit a besoin de se faire têter. Pendant ce temps-là, j'aimerais rappeler à tout le monde que Peter Popovich est le recordman de tous les temps de la Ligue nationale pour le plus grand nombre de rondelles envoyées chez les spectateurs. Il dépasse son plus proche concurrent de plus de 1000 rondelles. C'est vraiment un champion, Peter Popovich. Le deuxième, je m'en rappelle pas, c'est qui. Est-ce que je m'excuse. Qu'on joue à une autre place, sans parler? Peut-être que je vais mettre une petite toune, là, juste pour fermer ma gueule, là. On va laisser la chose aller. Est-ce que Marc te dérange? On va mettre une petite affaire gentille. Quoique, là, non, on a un esprit, là. Là on partira pas de toune, on va en profiter. Un. La suite. Non. Est-ce que tu veux t'en aller? Un autre nom. Vas-y, viens, mon nom. Est-ce que Benoît le dérange? Est-ce que t'as un autre nom? Un autre nom. Tommy, est-ce qu'il te dérange? Ben non, je suis bien trop cool. Élise, Julien? Ouais, mais peut-être qu'on est mieux de poser des questions plus ciblées, là, parce que là, on veut pas savoir si on est Julien d'esprit. Sorte? Oui. Bye, Julien! Ah ben. Le premier éliminé du neuf. Donc maintenant, tu veux bien continuer un petit peu à dialoguer avec nous, on peut te poser des questions? Non, attendez, je vais aller voir ça. Tu voulais juste que Julien s'en aille? Non, mais attends. Bon, je ne vais pas te poser de questions, mais est-ce que tu veux nous dire quelque chose? C'est assez prenant quand même. Ça bouge assez rapidement. Mais ça va pas à des endroits vraiment conséquents. Est-ce qu'on est satisfait? Mais il joue à Magic. Non. Alors. Benoît, est-ce que lui, il te dérange? Peut-être, moi. Puis? Faut dire que Zombie était habillé d'un gilet des Canadiens, peut-être que. Moi aussi que c'était comme le moins sceptique. Fait que peut-être qu'il n'y avait pas besoin de rien lui prouver. Tandis que ça tourne. Une autre fois? Marc? Est-ce que c'est. La suite, s'il te plaît. Ça tourne en rond. Peut-être que c'est un ancien champion de ski nautique qui s'ennuie des grandes slides. Oui. Les vraies informations à 70% qui n'ont pas peur de rien. On est en train de parler en direct avec un esprit. Du nom de Karine, Catherine. Qui n'aimait pas Zombie Julien. Beaucoup. Parce qu'il y avait un gilet de canette. Alors, est-ce que tu veux continuer à nous jaser? Bon, là, bon. Tu veux t'en aller. Ben, tu nous passes-tu un autre ami? Laura Guéné. On change de d'amis. On change d'amis? Oui. Ben là, il nous reste 5 minutes pour l'émission, hein? Ah, je savais pas. Ça passe vite en sapristi quand on fait venir les esprits. Peut-être qu'on est mieux de leur dire bye-bye, puis on pourrait se parler de ce que vous avez ressenti un petit peu, comme ça je vais avoir l'air moins schizophrène. Oui, oui. Élise fait signe qu'elle veut, elle aussi. Non. Benoît, lui, il a l'air d'être assez open. Il va faire ça. Ben, il faudrait arrêter. On va falloir déménager, là. Mais en tout cas, dites bonjour à la petite créature qui a été sympathique puis qui est venue jaser. Je vais mettre une gentille toune pendant ce temps-là. Comment? Deux? Ouais, au revoir. Au revoir. Bon, ben, je mets un petit bout de bio. Hey, je vais lire mon texte, ferait mieux. Bon, ben, tiens, Marc, renvoie ça à l'autre là-bas. Parce que c'était assez weird, hein, ce qui s'est passé, là. C'est ça, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des affaires. C'était drôle, pareil. C'est pas... Ça prend vraiment du temps à commencer. Ben oui, j'avoue. La prochaine fois, il va falloir réchauffer l'esprit un petit peu mieux, là, ou l'attirer. Ben, tiens, là, je vais ouvrir. C'est drôle, fait que. Oui, c'est ça, je vais vous lire un texte. À cause que. C'est ouvert? Oui, vas-y. Ok, c'est ça. À cause que j'ai lu une trentaine de textes d'aventure de Ouija et la pire que j'ai lue, c'est. Je venais de finir une couple de joints et mes amis m'avaient dit de pas jouer à Ouija, mais j'ai décidé de jouer à Ouija tout seul. Alors, je lui ai demandé son nom au petit esprit et il m'a écrit Naquan. Fait que j'ai demandé comment il était mort. Il a écrit Stabbed Prison. Ça veut dire... en tout cas... Il s'est fait poignarder dans une prison. Puis c'est ça. Puis après ça, il a appelé Gump. Puis le jeune a dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » L'esprit a tapé « You'll see ». Puis là, il a senti sa bouche s'ouvrir puis quelque chose allait venir dans sa bouche. Puis après 3 minutes d'étouffement, il a ressenti une profonde chaleur dans le fond de sa gorge. Puis la petite plaquette, à ce qui paraît, elle serait mise à bouger tout seul puis elle a appelé « Punk ». Fait qu'il se serait fait violer par un fantôme. Il l'écrit à la fin, il dit « I think I ate ghost Keith ». Ah ben, tabaslac, hein? Je sais pas si c'est aussi plein de protéines que celui d'ailleurs. Ouais. Ah non, mais il vient d'avoir des belles expériences à 70%. Ouais. Est-ce que tout le monde est heureux là-bas? Ça va bien tout le monde? Vous avez l'air assez choqué. Est-ce que vous voulez en parler, les amis? Ça va, et Élise qui est encore un petit peu... Elle voulait continuer, elle, Élise. Ben oui. Ben, je comprends, ça a comme marché, là, juste comme ça a pris une vingtaine de minutes. Là. Ouais, ben, toi, Benoît, est-ce que ton scepticisme, tu le ravales un petit peu? Moi, je pense que je mets ça dans mon chapitre des life-changing experiences. Là, tu me dis ça en me regardant à Amsterdam, puis j'ai rien ressenti de tel là-bas. Bon. Fait qu'en tout cas, on a eu une belle émission de 70%. Là, on va tout transférer au grimoire, parce que maintenant, les visionnements se font au grimoire. On va aller écouter Night of the Demon House 3, of the Night of the Demon House 3, Night of the Demon, qui est un film qui est USA Canada, qui a été filmé à Beauharnois, juste à côté de chez nous. Vous allez voir, c'est juste assez standard. Il y a juste assez de pas de nouveautés pour qu'on trouve ça excellent. Pour l'instant, merci d'avoir écouté 70%. C'était notre spécial. Merci beaucoup, les amis. Je m'excuse si j'ai pas beaucoup parlé, mais c'était très bizarre. Oui, je pense qu'on mettra pas ça. Dans le fond, c'est pas si excitant que ça. Moi, je pensais que ça allait être la grosse affaire. Puis... Ouais, mais j'avais comme plein de questions, là, genre. Au moins, j'ai demandé s'il joue au Magic, puis il a répondu oui. Oui, ça, c'est cool. On a un esprit qui joue à Magic ici. Il y a un deck de Undead. Et Benoît aussi, c'est à double sens. Est excellent. Bon, ben, merci d'avoir écouté 70%. Faites attention aux machines parce que. C'est tout le temps plus facile de faire attention. Merci les amis. Voilà, à la semaine prochaine. Aïe. c'est chaud. Bonjour, ici André et Richard de Plus Kid sur la meilleure radio internet Choc FM. Vous écoutez l'épisode 17 de Dans ta bulle, l'émission bande dessinée sur les ondes de Choc FM à Montréal. Aujourd'hui, émission spéciale sur le dessinateur Hervé Tancrel. On parlera surtout de ces deux séries phares, Le Legs de l'alchimiste et Professeur Bell. Julie est absente cette semaine, mais elle nous a envoyé un petit texte de Paris sur l'album Moi Je de Haute Picot.